Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette dernière édition en français de ce 8 juillet 2016 dont voici le sommaire. La nouvelle date du dialogue inter-burundais à Arusha est désormais fixée du 12 au 14 de ce mois de juillet, selon un tweet de l'assistant du médiateur dans la crise burundaise. L'assistant du médiateur étant Makocha Tembele. Le commissaire de la police de sécurité routière rejette l'idée de retirer progressivement l'usage des anciens permis de conduire suivant l'expiration de leur validité. Le commissaire Alfred Innocent Mousseremo a souligné qu'il n'y aura pas de prolongation. Les biens meubles vont bientôt constituer des gages en plus des immobilisations pour avoir accès au crédit. Cette annonce est de la ministre burundaise de la Justice. C'était ce vendredi à la chambre haute du Parlement. Plusieurs rivières qui se déversent dans le lac Tanganyika sont agressives. Dans ce journal, vous suivrez l'expert en aménagement du territoire, Bernard Sindayehebura, qui appelle ce fait de torrentialité des rivières. Vous aurez les détails dans ce journal mis en onde par Albert Ndouayo. À la présentation, Mireille Kanyange, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir à tous et à tous. Page politique pour débuter ce journal. La reprise du dialogue inter-burundais désormais fixée du 12 au 14 juillet à Arusha en Tanzanie, comme il exprime sur son compte Twitter. Makocha Tembele, l'assistant du médiateur dans la crise burundaise, confirme cette date. Et pour rappel, cette reprise était programmée en date du 9 au 12 juillet, mais la date a été momentanément reportée pour des raisons indépendantes de la volonté du médiateur, avait indiqué Makocha Tembele, l'assistant du médiateur dans la crise burundaise. Les relations diplomatiques entre le Burundi et les autres pays ne sont pas au bon point, tels sont les propos de l'ambassadeur Cyprien Bonimha lors de la publication de son livre « Mémoire d'un diplomate entre tourmente et espoir ». Il indique que le remède à la crise burundaise est le dialogue entre personnes ayant des divergences. Suivez Cyprien Bonimha au micro de Alida Ndaikeza, stagiaire à la radio Isanganiro. Je fais un constat malheureusement, j'aurais aimé que mon pays s'y prenne mieux, j'aurais aimé que la tension qui s'observe dans nos relations avec l'Union européenne, la tension qui s'observe dans nos relations avec les États-Unis d'Amérique, que cette tension se règle. Bon, alors il y a des choses qu'on reproche, notamment les violations des droits de l'homme. Est-ce que nous ne sommes pas capables de les résoudre? Parce que c'est après tout nos problèmes. Donc je crois qu'il faut d'abord que nous ayons le courage d'aborder nos problèmes par le dialogue. Et lorsque nous aurons abordé nos problèmes par le dialogue, je pense que même notre diplomatie en trouvera facilité. Parce qu'il y a toujours un problème de cohérence entre l'image que vous voulez projeter et ce que vous êtes réellement l'intérieur de son pays. Donc il faut une sorte de cohérence entre ce que vous êtes à l'intérieur et l'image que vous voulez projeter à l'extérieur. C'est très important. Accepter de parler, surtout avec les gens avec lesquels vous avez des divergences. Cyprien Bonimha, c'est un ancien ambassadeur du Burundi à l'étranger. Le gouvernement du Burundi fait tout ce qui est possible pour lutter contre le trafic des femmes et filles acheminées vers les pays arabes, notamment à l'Oman et l'Arabie Saoudite. Tels sont les propos du ministre burundais des droits de la personne humaine lors d'une conférence de presse de ce jeudi. Martin Niviabandi fait savoir que la recherche d'emploi est un droit pour toute personne pourvu que la loi soit respectée. Il affirme également que ce trafic regorge beaucoup d'argent. Suivez le ministre burundais des droits de la personne humaine, Martin Niviabandi. Le trafic des êtres humains occupe la deuxième position au niveau mondial des commerces illicites. C'est un phénomène mondial qui est très complexe où des gens ont constitué des sociétés avec des grands intérêts. C'est très lucratif. Il va prendre votre enfant. Pour les uns, on va lui arriver des organes. Il y a d'autres qui vont servir de prostitution. On prend votre fille, il tombe dans les réseaux et on va les vendre. Au niveau du gouvernement burundi, il y a un cadre d'échange où nous discutons chaque semaine de ce qui se passe en termes de protection de l'enfant et de la famille. Aussi, les institutions étatiques comme la police des mineurs qui a déployé toutes ses forces pour qu'on puisse démanteler ce genre de réseau. Il y a ceux qui ont été déjà attrapés maintenant qui sont traduits en justice, mais aussi il y a des discussions, des pourparlers qui sont en train de se faire entre les pays destinataires et le gouvernement du Burundi. On ne peut pas refuser le droit d'aller chercher un emploi ailleurs, pourvu que les conditions, que la loi soit respectée. Mais quand il s'agit d'un mineur, là c'est une violation de la loi, on ne l'accepte pas. Les ambassades sont à l'œuvre pour savoir si ces filles sont en train de travailler dans des conditions qui sont conformes aux normes de l'Organisation internationale du travail. Et c'est un phénomène qui est très vieux dans notre pays, puisque déjà des années 97, il y avait des enfants, des jeunes filles qui avaient été amenées au Moyen-Orient. Mais le gouvernement, comme il a ratifié les traités contre le trafic des êtres humains, on doit scrupuleusement appliquer la loi. Mais ici, c'est un travail de tout le monde. Ce n'est pas le travail du seul ministère, c'est tout le monde qui doit dénoncer, qui doit informer, qui doit contribuer pour que nos enfants, même s'ils vont chercher du travail ailleurs, puissent le faire dans des conditions qui sont acceptables. Parlant toujours de ce trafic des femmes et filles burundaises, le directeur général de l'aéroport international de Bujumbura parle d'une question très délicate qui est en train d'être soigneusement traitée. Emmanuel Habonimana a en outre indiqué qu'un dispositif de sécurité de cet aéroport a été mis en place. Suivez Emmanuel Habonimana, directeur général de l'aéroport international de Bujumbura. Nous venons de conduire une réunion avec tous les partenaires dans le domaine de l'aviation civile au Burundi pour évaluer à mi-parcours les réalisations déjà atteintes. Premièrement, il y a un système de vidéosurveillance, CCTV, très moderne. Ça nous permet de contrôler tout le monde à l'aéroport et dans ses environs. Comme ça, ça améliore le niveau de sécurité et aussi le niveau de discipline à la plateforme aéroportuaire. Nous pouvons aussi citer le parking d'isolement. Si un aéronef a un problème, nous avons où le garer. Et s'il a fait objet d'actes d'intervention illicite, nous avons où le garer. Vous dites que la sécurité de l'aéroport est bien assurée, mais ces derniers jours, on a observé un mouvement de trafic des femmes et jeunes filles burundaises recrutées pour aller travailler à l'étranger, c'est-à-dire en Arabie Saoudite et en Oman. Passer à cet aéroport, est-ce que vous n'étiez pas au courant ou bien vous l'avez fait exprès? C'est une question très délicate, mais nous sommes en train de la gérer parcimonieusement avec la conjugaison des efforts de tous les intervenants. Auparavant, on n'avait pas pu remarquer qu'il s'agit de ce trafic prohibé. Maintenant que nous avons eu une sensibilité, parce que tout le monde en a crié, nous avons mis en place un système de contrôle si nous voyons les destinations de ces jeunes gens. Surtout s'il s'agit des filles, des femmes qui vont en même temps à ces destinations-là prohibées, en usant de notre sens et de discernement pour ne pas empêcher non plus les activités officielles comme le commerce, nous interrogeons les concernés. Les services en charge de la police et les renseignements font des investigations. Il y en a que nous arrêtons. Emmanuel Habonimana, c'est le directeur général de l'aéroport international de Bujumbura, des propos recueillis par Jean-Marie Niwigira. Le commissaire de la police et de sécurité routière rejette l'idée de retirer progressivement l'usage des anciens permis de conduire suivant l'expiration de leur validité. Le commissaire Alfred Innocent Mousseremo explique que si c'était possible, tous les permis devraient être retirés de la circulation parce que parmi eux, il y a ceux qui ont été obtenus frauduleusement. Il réagit à la demande de ce jeudi de l'Association burundaise des consommateurs à Boko d'appliquer petit à petit la mesure de mettre un terme à l'utilisation de l'ancien permis de conduire d'ici fin novembre. Suivez. Vous aurez tous remarqué que depuis un certain temps, il y avait une recrudescence de criminalité basée sur la délivrance de faux permis de conduire. Et ce qui fait que notre unité saisissait chaque mois une moyenne de 100 faux permis de conduire. Ce qui veut dire que la sécurité routière est donc en pâtissait. La mesure d'introduire un nouveau permis biométrique donc est venue pour répondre à cette préoccupation, pour voir si ces faux permis de conduire peuvent être retirés de la circulation, mais aussi pour répondre aux besoin de rejoindre la modernité, donc le besoin d'avoir un permis de conduire moderne, comme ça se fait dans d'autres pays. Nous remarquons qu'il y a une grande population qui afflue à nos bureaux pour chercher son permis, donc pour migrer vers le permis biométrique, et ce qui est une bonne chose que nous apprécions beaucoup. Et donc, quand la sécurité est impliquée, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, tous les détenteurs de l'ancien permis de conduire sur papier devront venir changer son permis pour avoir un permis de conduire sécurisé et biométrique. Et pour ceux qui demandent la prolongation de ce délai, le commissaire de la police de sécurité routière a souligné qu'il n'y aura pas de prolongation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ce journal se poursuit. Les biens meubles vont bientôt constituer des gages en plus des immobilisations pour avoir accès au crédit. Cela a été dit ce vendredi par la ministre burundaise de la Justice et garde des Sceaux lors de la présentation du projet de loi portant les sûretés mobilières conventionnelles au Burundi à la Chambre haute du Parlement. Aimé Laurentine Kanyana a indiqué que un registre national de sûreté va être mis en place pour éviter des conflits liés aux incidents éventuels de ces biens. Ces gages seront de trois formes, a-t-elle indiqué. Ces gages sont de trois formes. La première est là où, telle machine ou véhicule, je l'engage comme gage et ça reste à ma possession avec tous les documents et ça peut couvrir le crédit contracté. La deuxième forme est de ce gage des biens meubles et de prendre cet objet et le confier à celui qui accepte d'accorder le crédit. Il reste à sa possession pour éviter qu'il soit dissimulé. Et enfin, l'autre façon est liée au compte bancaire sur des titres bancaires qui matérialisent le crédit envers l'autre. À ce titre, une question est venue comme ça et directement trouver solution. Si on accepte que ces mobiliers soient objets de gage, qu'est-ce qui peut calmer la situation alors que le véhicule gagé peut être volé ou l'argent retiré à la banque à l'insu de l'autre partie? La seule réponse est que l'objet comme gage doit être enregistré quelque part qu'on appelle registre national de sûreté. Aimé Laurentine Kanyana, c'est la ministre burundaise de la Justice. Une somme d'une valeur de 10 millions de faux billets de 5 000 francs bois a été saisie par la police burundaise lundi dernier. Un certain Ngendakumana Etienne, natif de Busiga en province Ngozi, qui était en possession de ces billets, affirme qu'ils venaient de la capitale kenyane où ces billets ont été fabriqués. Le porte-parole de la police nationale, Pierre Anguriki, indique qu'il a été arrêté quand il arrivait à la frontière burundo-rwandaise. Suivez Pierre Anguriki, le porte-parole de la police nationale. Lundi dernier 4 juillet 2016, à la frontière burundo-rwandaise de Kayanza, appelée communément Kanyaruho, les forces de l'ordre burundaises ont appréhendé un certain Ngendakumana Etienne. Il est burundais natif de la commune de Busiga, à Ngozi. Il était en provenance de Nairobi, Kenya, via Kampala. Les forces de l'ordre l'ont appréhendé avec des faux billets de francs burundais équivalent à 10 millions de francs burundais. Il était à bord d'un véhicule de la compagnie Volcano. Comme il l'a avoué lui-même, c'était la deuxième fois qu'il amène ses faux billets. Avec ses complices, ils avaient déjà introduit au Burundi autour de 15 millions de francs burundais de faux billets. Ce sont des faux billets qui sont fabriqués par des criminels burundais et kenyans au Kenya qui sont injectés ensuite au Burundi pour déstabiliser l'économie nationale. Et parce qu'au Kenya, il y en a qui fabriquent et envoient cet argent ici au Burundi et au Burundi, il y en a qui reçoivent. Et le message qu'on peut lancer à la population, c'est de rester toujours vigilante pour dénoncer toute personne qui serait en train de pratiquer le faux et usage de faux parce que ça constitue une infraction prévue et punie par le code pénal du Burundi. Le deuxième message est lancé à l'endroit des membres des forces de l'ordre, surtout au niveau des frontières, pour qu'ils soient un peu plus vigilants. Il a fallu l'ingéniosité des forces de l'ordre pour qu'on puisse découvrir si réellement il y avait quelque chose dans cette sacoche. Ce qu'on peut ajouter, c'est que le cas n'est pas le premier. On était habitué à saisir des faux billets, surtout fabriqués ici au Burundi, dans les communes de Buyenzi et à Kinama les années passées. Mais les cas de faux billets qui sont fabriqués à l'étranger sont plutôt rares. Et c'est pourquoi les forces de l'ordre vont faire une enquête plus approfondie pour démanteler tout le réseau. Toujours en page sécurité, des tirs intermittents ont été entendus au cours de cette nuit, au cours de la nuit dernière au village 6 de la commune Gihanga en province Bubanza. Des sources administratives et policières indiquent que ce sont les malfaiteurs qui ont lancé une grenade dans un débit de boissons sans faire de dégâts. L'intervention des militaires a été rapide et des tirs nourris ont été entendus pendant une dizaine de minutes. Deux suspects ont été arrêtés pour question d'enquête. Une information que nous devons à Spes Caritas Kabanyana, notre correspondante à l'ouest du Burundi. On ne sait toujours pas celui qui a donné l'autorisation de démolir ce jeudi les 5 maisons en construction à la 16e transversale de Maranvia en zone Buterere, ni l'administrateur de la commune Mutimbuzi où se trouverait la parcelle, ni le maire de la ville de Bujumbura, non plus le ministre burundais ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Ils disent tous n'être au courant de rien sur ce sujet. Emmanuel Niyonkuru ajoute que son ministère n'a pas de machine destinée à la démolition des maisons, précisant en plus qu'il n'a pas voulu s'exprimer au micro de la radio Isanganiro, même si cette dernière avait répondu à son rendez-vous dans l'après-midi de ce vendredi. Emmanuel Niyonkuru a expliqué qu'il était pris par un autre rendez-vous de travail à exécuter avec les seuls journalistes de la radio-télévision nationale. Dans les nouvelles des provinces, en page éducation, les élèves du lycée Rutana qui faisaient les examens de repêchage n'ont pas eu leurs résultats comme c'était prévu. Le motif est que les professeurs ont refusé d'aller faire la délibération car ils n'ont pas reçu la prime d'encouragement de 2000 francs burundais alloués à cette activité que les parents d'élèves donnent à chaque début de trimestre. Les détails avec Arthur Kavawushi. Les élèves que nous avons rencontrés au lycée Rutana disent que les professeurs ont refusé de faire la deuxième délibération afin de procéder à la proclamation. Comme le disent ces élèves, les professeurs ont refusé de faire cette délibération car ils n'ont pas reçu la prime d'encouragement que les parents d'élèves leur donnent et qui équivaut à 2000 francs par élève et qui est donnée à chaque début du trimestre avec le Minerval. Ces élèves font savoir qu'ils ne sont pas du tout contents car ils ne sont pas responsables de cette situation alors qu'ils ont tout payé. Ils disent aussi que même s'ils ont pu manger ce midi, aucun signe ne leur montre qu'ils vont manger ce soir car la cuisine est fermée. Selon eux, le directeur de l'école devrait donner cet argent pour qu'ils aient leurs résultats et partir en vacances comme les autres car sans cela, ils ne vont pas quitter l'école. On a cherché le directeur du lycée au téléphone et puis il nous a demandé d'aller le voir à l'école. Arrivé là-bas, il a préféré partir sans dire un mot. Sachez que les élèves qui se préparent pour l'exétat au même lycée ont été sommés de rentrer chez eux car la ration est terminée au moment où ils devraient rester à l'internat jusqu'à la fin de cet examen. Arthur Kavavushi, Rutana, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavawushi de l'Est du Burundi. Restons plutôt à l'Est du Burundi pour parler de ces trois jeunes gens de moins de 18 ans originaires de Karonga en zone Gitaba en commune et province Makamba à qui ont été remis par l'administrateur communal de Makamba à leur famille. Et ces jeunes ont été récupérés et rapatriés par le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge CICR en République démocratique du Congo qui les a remis à la Croix-Rouge du Burundi. L'autorisation du rapatriement de ces jeunes a été donnée par la police de l'air, des frontières et des étrangers, PAF, en date du 1er juillet courant. Et 15 familles ressortissantes de la commune Kayogoro qui s'étaient exilées en Tanzanie sont rentrées ce mercredi. Le gouverneur de la province Makamba dit que la plupart des habitants de sa province qui étaient en exil depuis avril 2015 ont déjà regagné l'Oberkaï. C'est une information que nous devons à notre reporter Jean-Pierre Misago du sud du Burundi. Page nécrologique, le chanteur burundais du groupe Peace and Love, Bosco Ntaganza, connu sous le pseudonyme de Bobo n'est plus. Il a rendu l'âme hier soir suite à un accident de roulage. Il était seul au volant de sa voiture. Son frère en musique, Vianney Nzigamasabo alias Vivi, nous raconte le déroulement de l'accident et tente d'apaiser la peine des mélomanes burundais en général et des fans du groupe Peace and Love en particulier. Je suis un Sanga Bosco, Motuga Wabayenavi, Bosco Amushizi Hasi, Amajewe, Chanakozena Mutuwa Mugang. Je suis arrivé sur le lieu de l'accident à 1h du matin. Bosco était étendu par terre, sa voiture à côté de lui était endommagée. Je l'ai vite transporté à l'hôpital, mais c'était trop tard, il n'a pas survécu à l'accident. Franchement, le Burundi vient de perdre un grand artiste et musicien. Les témoignages en disaient long quant à son talent. Personnellement, j'ai du mal à croire qu'il est mort, mais quand j'analyse comment Bosco a vécu ces derniers jours, on dirait qu'il préparait son départ. Dans notre groupe Peace and Love, on remarquait qu'il faisait preuve de plus de courage et de vivacité, mais finalement, on ignorait que le plan de Dieu se réalisait sur lui. Plusieurs chansons sont prêtes, mais seulement avant-hier, nous avons diffusé la première. L'équipe fonctionnait en duo Bosco-Vianney ou Vianney-Bosco. Seul Dieu sait pourquoi il s'en va si tôt. C'est Dieu qui crée, donne et gère tout. Nous ne pouvons que nous en remettre à sa volonté. Radio Isanganiro Chronique. Place maintenant à la chronique environnement de ce vendredi. Plusieurs rivières qui se déversent dans le lac Tanganyika sont agressives, ce que l'expert en aménagement du territoire Bernard Sindayehebura appelle torrentialité des rivières. Cela est dû, selon lui, notamment aux fortes pentes des collines de la région de Mugamba et des Mirgwa qui servent de passage à ces rivières. Comme conséquence, on pourrait citer des maisons qui s'effondrent, mais aussi le manque de poissons dans le lac Tanganyika. Cet enseignant de l'Université du Burundi propose l'aménagement de ces rivières et dans l'urgence pour éviter de payer beaucoup plus tard. Les détails, c'est dans cette chronique environnement que nous présente Léonce Vitaliho. La torrentialité des rivières est essentiellement due aux fortes pentes des collines qui leur servaient de passage. Bernard Sindayehura, expert environnementaliste et spécifiquement en aménagement du territoire, parle ici du cas des rivières qui se déversent dans le lac Tanganyika. Mais c'est quoi d'abord la torrentialité des rivières? La réponse de l'expert. Quand on parle d'une rivière torrentielle, c'est une rivière qui traverse donc une zone à pente très forte. Et la région de Migwa qui est une région à très forte pente, et d'ailleurs beaucoup des auteurs comme Théodomir Chomuhigwa et Rose ont fait donc des études et ont montré que la région de Mirgwa, c'est une région qui connaît ce qu'on appelle les pertes en terre. Et puis c'est ça qui est à l'origine de ce problème que nous avons parce qu'actuellement, avant 1980 en fait, donc ces rivières torrentielles directement n'étaient pas du tout agressives parce que tout d'abord, il y avait la végétation qui bloquait. Suite maintenant aux travaux d'extraction de la rivière et suite à la torrentialité de ces rivières, c'est-à-dire en arrachant tout ce qu'ils trouvent depuis les hautes terres, ils ont créé ce qu'on appelle un phénomène d'envasement. Suite à la torrentialité de ces rivières, les conséquences sont régions. Comme exemple, des maisons proches de leur passage s'effondrent, mais aussi l'obtention des poissons dans le Tanganyika n'est plus comme avant. À partir des rives, donc si on va à une distance même qui dépasse 300 mètres, vous trouverez seulement du sable. Mais avant les années 80, les pêcheurs trouvaient donc les poissons tout près des rives. Et actuellement, ça a créé effectivement un phénomène. Moi, je l'appellerais un désastre écologique. C'est une perte. D'abord, on n'a plus de poissons. Et puis, on a d'autres espèces aussi animales et végétales qui se trouvaient dans ces zones-là et puis qui n'existaient plus. Et puis aussi également, dans les quartiers qui sont traversés par rivière, nous avons des milliers actuellement. Je n'ai pas encore fait un inventaire, mais en tout cas, on a plus de 500 maisons qui sont actuellement menacées. L'expert Sindayehura estime que la quasi-totalité des rivières qui se déversent dans le lac Tanganyika sont torrentielles. Le cas que plus d'un Burundais n'ont pas encore oublié est celui de Gasenyi, au nord de Bujumbura. Il y a la rivière Gasenyi directement qui a inondé dans la nuit du 9 au 10 février, je pense, 2014. Il y a la rivière Nyabagere, la rivière Kanyosha, il y a la rivière Ntahangwa, il y a la rivière Mimiguya qui a déjà occasionné beaucoup de pertes dans les humaines. Il y a une rivière aussi également qui passe à Kabizi qui s'appelle Nyabage. Lorsque la rivière a débordé, la remise en état du centre génico-obstétricaire de Kabizi a coûté environ 178 000 euros. Il y a d'autres rivières effectivement qui se trouvent dans la partie sud qui ont les mêmes caractéristiques. Professeur Bernard Sindayehura propose que les lits de ces rivières soient aménagés et dans l'urgence pour ne pas risquer de payer plus cher ce que l'on devait faire à temps. Je pense franchement il faut une action à réaliser d'urgence parce que ces rivières menacent dangereusement. Cela est lié à ce que j'ai dit au coût de l'inaction parce que les gens qui devaient directement planifier n'ont pas réagi à temps. Parmi d'autres voies de solution pour éviter le pire, le même expert propose la limitation des naissances au Burundi. Ainsi se referme ce journal, mais retenez pour l'essentiel que la nouvelle date du dialogue inter-burundais à Arusha est désormais fixée du 12 au 14 de ce mois de juillet, selon un tweet de l'assistant du médiateur Makocha Tembele. Et le gouvernement burundais dit tout faire pour arrêter le trafic des femmes et filles vers les pays arabes. Dans ce journal, vous avez pu suivre le ministre burundais des droits de la personne humaine. De son côté, Emmanuel Habonimana, directeur général de l'aéroport international de Bujumbura, il affirme que c'est une question très délicate qui est soigneusement traitée. Et voilà, merci à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Albert Ndouaille pour la parfaite collaboration technique. Très bonne soirée à tous et à tous. Au revoir.